l'avenir reste européen. Combat pour nos ancêtres. Combat pour nos ancêtres. Combat pour nos ancêtres. Combat pour nos ancêtres. De notre histoire, jamais nous vous oublierons. Vous êtes une source d'inspiration pour notre jeunesse en rébellion. Contre le gouvernement de franc-maçon, combat pour nos ancêtres. Combat pour nos ancêtres. Combat pour nos ancêtres. Combat pour nos ancêtres. Devront payer. Combat pour nos ancêtres.